J'ai 25 ans, j'en pars à 12 dans mes bons moments. Je chante le blues comme un mauvais débutant. Je suis un sacripant. Je suis pas une lumière, j'aurais plutôt l'air d'un abat-jour. Je fais rimer le mot amour avec tout le temps. Je suis un sacripant. J'ai connu des filles au moins deux ou trois, des belles filles à part de ça. Je leur ai rien donné, elles m'ont laissé là. Ça peut pas finir mal quand ça commence même pas. J'ai beaucoup d'amis, j'en ai des grands, j'en ai des petits qui ont les moyens d'avoir des petits. Moi je voudrais bien, mais j'ai pas le temps. Je suis un sacripant. Bataille dans ma rue. Comme j'étais rapide, me suis jamais battu. Mais y'a rien qui fait plus mal qu'un bon coup de pied. J'ai des tiroirs remplis de lettres d'amour jamais malées. J'ai des miroirs où je me vois mal en vieillissant. Je suis un sage.